Bonsoir. Au nom de la Société de leucémie et lymphome du Canada, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette conférence par web émission. Permettez-moi de me présenter. Je suis Carole Murphy, directrice des services aux patients pour la Société de leucémie et lymphome du Canada, chapitre de Montréal, qui dessert la province du Québec et les Maritimes. Avant de vous présenter notre conférencier invité de ce soir, il est nécessaire de prendre quelques minutes afin de vous transmettre certaines informations en lien avec l'événement. Premièrement, une période de questions suivra la conférence du Dr. Richard Leblanc. Toutes les questions doivent être écrites dans le carré ainsi désigné à droite ou au bas de votre écran. Gardez en tête qu'il est possible que nous recevions plusieurs questions similaires. Dans ce cas, une question sera formulée et adressée au Dr. Leblanc. Il est important de ne pas oublier de remplir le questionnaire des services aux patients. Les réponses recueillies seront instrumentales dans le développement des services aux patients futurs. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Richard Leblanc, hématologue-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr. Leblanc a obtenu son doctorat en médecine à l'Université Laval de Québec en 1995. Il a fait sa résidence en médecine interne à l'Université de Laval de 95 à 98. Il a fait sa résidence hématologie-oncologie à l'Université Laval de 1998 à 2000. Un fellowship de recherche en myélome multiple à Dana-Farber Cancer Institute, Jerome Lipper Myeloma Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA. Résidence en oncologie médicale à l'Université de Montréal. Durant sa formation, Dr. Leblanc a obtenu plusieurs certificats et diplômes en plusieurs disciplines concernant la médecine et l'oncologie, l'hématologie. Dr. Leblanc est détenteur de bourses de formation de recherche, la bourse de formation de recherche en myélome multiple, bourse du doyen de l'Université Laval, bourse d'établissement du jeune chercheur des fonds de recherche du Québec et bourse d'appui salarial comme clinicien-chercheur junior. Parmi d'autres responsabilités, Dr. Leblanc est assistant professeur subventionnel de l'Université Laval à Québec, titre professoral en voie de confirmation conjointement avec le milieu universitaire d'affiliation, soit l'Université de Montréal. Dr. Leblanc a participé à plusieurs tâches d'enseignement et co-magistraux en sciences hématologiques, cytométrie de flux, myélome multiple, immunologie tumorale, sciences de base en oncologie, myélome métastique, greffe de cellules souches hématopoïotiques, complications, urgences hématologiques et oncologiques, mélanome, les agents de chimiothérapie, cancer pulmonaire, cancer colorectal. Dr. Leblanc a participé à de nombreuses publications, conférences et présentations en hématologie, tant sur le plan national qu'international. Dr. Leblanc est membre du Conseil consultatif scientifique de Myélome Canada, réviseur expert pour le document intitulé Thalidomide, a rédigé le guide de l'utilisation de la thalidomide dans le traitement du myélome multiple, a rédigé le guide de l'utilisation du brontésomib dans le traitement du myélome multiple. Il est membre de l'association professionnelle suivante, du Collège des médecins du Québec, The American Society of Hematology, du American Society of Clinical Oncology, du Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. Et maintenant, voici le Dr. Richard Leblanc. Donc, bonsoir. D'abord, merci à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour l'invitation pour vous parler de myélome multiple. On va faire un survol sur différents aspects qui touchent le myélome multiple. D'abord, comme objectif, ça va être de voir qu'est-ce qu'on entend quand on parle de myélome multiple, connaître les différentes manifestations de cette maladie-là, de connaître les différents tests à faire pour arriver à son diagnostic, de connaître les différentes modalités de traitement pour contrôler cette maladie-là. Et je vais ouvrir une parenthèse sur deux points qu'on entend souvent peu parler, sur le fait de l'impact favorable de la recherche et du développement pour améliorer le devenir des patients, et aussi avoir une idée de ce qu'on entend quand on parle de recherche médicale. Le plan de la présentation va correspondre aux objectifs, soit la définition du myélome multiple, les manifestations, l'investigation de la maladie, son diagnostic, les approches de traitement que l'on a, l'amélioration du pronostic et aussi ouvrir la parenthèse, comme je vous disais, sur la recherche en médecine en général et focusser sur le myélome multiple. D'abord, le myélome multiple, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer. C'est un cancer qu'on appelle hématologique parce que c'est une maladie de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine à production des cellules du sang. Vous voyez un schéma d'un squelette. Le squelette central au niveau du sternum, du bassin, des côtes, ainsi de suite, c'est le site principal de l'hématopoïèse, c'est-à-dire de la formation des cellules du sang. À droite, comme vous pouvez voir, c'est une coupe d'un os. Qui, l'os lui-même n'est pas rempli d'os, n'est pas vide non plus. Il est formé de logettes dans lesquelles se situent des cellules en formation pour devenir les cellules du sang. C'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Donc, le myélome multiple, c'est une maladie de la moelle osseuse. Et un peu comme une leucémie, il y a des globules blancs. La cellule que vous voyez à droite en bas, qu'on appelle plasmocyte, qui est la cellule anormale en myélome multiple. Un plasmocyte devient avec un comportement cancéreux, on va l'appeler cellule myélomateuse. C'est une cellule qui, en temps normal, le plasmocyte sécrète des anticorps. C'est une cellule du système immunitaire qui va jouer un rôle immunitaire. Quand ça devient tumoral ou cancéreux, la cellule plasmocytaire, comme je vous dis, va porter le nom de cellule myélomateuse et elle va s'accumuler, elle va proliférer, elle va prendre de la place par rapport aux bonnes cellules et il va y avoir des conséquences cliniques de cette accumulation de cellules anormales-là. Et devant le fait que ces cellules-là sécrètent des anticorps, c'est une bonne chose, mais quand c'est sécrété en très grande quantité, ça peut être toxique pour certains organes. En termes d'atteinte d'organes cibles, c'est quoi les conséquences d'un myélome multiple? Ben, le fait que ça soit une maladie de la moelle osseuse fait en sorte que ça prend de la place par rapport aux cellules normales. Et donc, le sang, les cellules du sang vont se raréfier. Il va y avoir une diminution des globules rouges, on va parler d'anémie. Il va y avoir une diminution des plaquettes, on va parler de thrombopénie. Il va y avoir une diminution des globules blancs, on va parler de leucopénie ou neutropénie. Mais ça va diminuer la richesse du sang, si vous voulez. La moelle osseuse est très étroitement liée à l'os lui-même et la présence de cellules myélomateuses dans la moelle osseuse va donner une fragilité des os avec des risques de fracture, par exemple. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, le fait d'avoir des anticorps sécrétés par les cellules myélomateuses en grande quantité peut être toxique pour les reins, donc il peut y avoir de l'insuffisance rénale associée à la maladie. C'est les trois organes cibles du myélome multiple. Il peut y en avoir d'autres, mais en général, c'est la moelle osseuse, l'os et le rein qui sont principalement atteints dans cette maladie-là. Pour donner ou situer le myélome multiple par rapport à d'autres cancers, le myélome multiple n'est pas le cancer le plus fréquent. Loin de là, le cancer du poumon, du sein, du gros intestin, de la prostate sont des cancers beaucoup plus fréquents. Mais ce n'est pas une maladie rare non plus. En termes d'incidence, on parle de 4 à 5 nouveaux cas par 100 000 de population par année. Si on compare, par exemple, avec la leucémie myéloïde chronique, qui est une maladie qui n'est pas une rareté non plus, mais ça correspond à peu près à 1 individu par 100 000 de population par année. Pour les leucémies aiguës, c'est de l'ordre d'à peu près 2 à 5 nouveaux cas par 100 000 de population par année. Encore là, ces chiffres-là varient en fonction de l'âge. Plus on vieillit, plus l'incidence de ces cancers-là augmente. Mais globalement, le myélome multiple n'est pas une maladie rare. Ça correspond à peu près à 10% des cancers hématologiques. Et quand on le compare au syndrome lymphoprolifératif, dont les lymphomes, c'est le deuxième cancer hématologique en fréquence. En 2009, il y a eu environ 2200 nouveaux cas de patients diagnostiqués avec le myélome multiple. En général, on divise par 4 pour avoir des statistiques québécoise, on n'a pas de très bons registres ou de bases de données pour les maladies, pour les cancers au Québec, malheureusement. L'âge médian en moyenne, c'est de l'ordre d'à peu près 61-62 ans. Ça varie d'une référence à l'autre, mais en général, c'est toujours vers 60 à 70 ans. Les hommes et les femmes sont atteints sans connaître parfaitement la raison. Les hommes sont un peu plus atteints que les femmes, mais les deux sexes sont atteints. En termes des causes associées au myélome multiple, en fait, on n'en sait encore rien. On sait qu'il y a une composante génétique. Les cancers, en général, ce sont des maladies génétiques. Mais pour les facteurs de risque ou les causes, on n'en sait pas réellement la cause précise. Par rapport à d'autres causes qui sont bien connues être des causes de leucémie ou de lymphome, comme les rayons X, les radiations, le benzène ou autres solvants organiques, les insecticides ou les herbicides, dans le myélome multiple, il y a des données contradictoires, peut-être qui peuvent jouer un rôle, mais c'est loin d'être clair. Ce que l'on sait, c'est que même si ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique, mais pas héréditaire, malgré qu'on ait dit ça, pour les membres d'une famille, les membres du premier degré, donc père, mère, frère et sœur, quand un individu est touché par un précurseur du myélome multiple, qu'on appelle le MGUS, ça augmente le risque des autres membres de la famille du premier degré d'avoir soit ce précurseur de myélome multiple-là, qu'on appelle MGUS, ou le myélome multiple lui-même. Ça augmente le risque d'à peu près 2 à 3 fois par rapport à un individu de la population normale. En termes de manifestation, ben, on a vu les 3 organes cibles du myélome multiple, comme la moelle osseuse avec l'anémie, la thrombopénie, des plaquettes basses, des globules blancs qui sont bas, avec les conséquences qu'on peut avoir. Quand on a de l'anémie, on peut être fatigué, avoir une certaine asthénie, être plus dormeur, d'avoir une intolérance à l'effort ou de l'essoufflement. Quand on est leucopénique, donc des globules blancs qui sont un peu plus bas, les globules blancs font partie de notre système immunitaire, on a des risques d'infection un peu plus fréquents. Quand les plaquettes sont basses, les plaquettes nous protègent contre les saignements. On peut avoir des saignements donc un peu plus faciles. Ça peut toucher les os avec des douleurs osseuses, des risques de fractures. Ça peut toucher les reins. L'insuffisance rénale elle-même donne peu de symptômes à moins de devenir sévère. On voit plus l'insuffisance rénale par les prises de sang, mais globalement, ça peut être des symptômes que ça donne. Mais en général, précocement dans la maladie, il y a peu de manifestations, il peut n'y en avoir pas du tout. Éventuellement, certains symptômes peuvent apparaître, et ces symptômes-là, en général, sont non spécifiques. Ce sont des symptômes généraux comme la faiblesse, la fatigue, la perte pondérale, la perte d'appétit, l'inappétence. Et parfois, on a des symptômes un peu plus spécifiques comme les douleurs osseuses, mais les douleurs osseuses, c'est quelque chose de fréquent pour différentes maladies. Ce n'est pas spécifique du myélome multiple. Donc, globalement, la notion à retenir, c'est qu'il n'y a pas de manifestation qui est typique, qui est classique de quelqu'un qui a un myélome multiple. C'est des symptômes qui sont surtout non spécifiques. Donc, le myélome multiple, comme vous pouvez voir, n'est pas diagnostiqué par les symptômes ou l'examen physique, mais c'est lorsqu'on a un diagnostic clinique qui est plausible de myélome multiple, soit par des tests de laboratoire, par des douleurs osseuses ou des manifestations cliniques, bien que non spécifiques, ben, on doit ou le médecin doit faire des tests biologiques au niveau sanguin, au niveau urinaire, au niveau de l'imagerie médicale pour documenter, confirmer ou infirmer le diagnostic d'un myélome multiple. Ici, c'est le cliché qui est un peu le plus difficile à comprendre au niveau des patients. Mais globalement, je ne veux pas aller en détail dans ces différentes choses-là. C'est les tests en général qui sont à faire pour voir s'il y a ou non un myélome multiple et s'il y a un myélome multiple pour arriver à mieux le caractériser. Les 4 premiers points que vous voyez, donc l'électrophorèse des protéines sériques, l'immunofixation ou l'immunoélectrophorèse des protéines sériques, le dosage des chaînes légères sériques libres, la recherche de Ben Jones au niveau des urines, tout ça, c'est des tests que le médecin demande pour évaluer s'il y a ou non un anticorps monoclonal qui se retrouve soit dans le sang ou soit dans le sérum. L'anticorps monoclonal, c'est une signature, c'est un marqueur de la présence des cellules myélomateuses. Si on a un anticorps monoclonal, la deuxième chose, c'est de le quantifier. Ça va être important de le quantifier quand on parle de traitement ou après des traitements pour le suivi des patients. Quand on donne un traitement, on aime bien avoir des marqueurs pour savoir si un patient répond au traitement qu'on donne ou a une maladie stable ou encore si la maladie progresse malgré les traitements. Et on se sert beaucoup de ces tests-là pour avoir ces données-là. Au même titre qu'on a fini un traitement, on souhaite que l'anticorps monoclonal soit le plus bas possible. C'est un reflet de la masse tumorale. Moins il y a d'anticorps, moins il y a de masse tumorale. Donc, quand on a cessé un traitement, c'est une des façons que l'on a, en suivant cet anticorps monoclonal-là, de voir est-ce que la maladie est toujours en dormance ou la maladie se réveille et devient un peu plus active. Le 3e avant-dernier point, la ponction aspiration ou la biopsie de moelle osseuse ou ostéomédulaire, c'est un examen qui est nécessaire à faire. C'est invasif, c'est désagréable pour les patients, c'est une piqûre, mais c'est un examen vraiment important à faire quand on soupçonne un myélome multiple. On regarde directement au niveau de l'usine à production des cellules du sang, là où se retrouvent les cellules myélomateuses, s'il y en a ou pas. Et si on en voit, le deuxième point que vous voyez en dessous de l'examen médulaire, qui est la cytogénétique ou des tests de biologie moléculaire comme les FISH, ça nous aide à mieux caractériser le myélome multiple. Le myélome multiple, c'est un terme qui s'applique à une maladie, mais il n'y a pas deux individus qui ont un myélome multiple qui ont exactement la même maladie. Donc, on a besoin de tests pour essayer de caractériser la maladie, pour avoir une idée comment la maladie d'un patient donné peut évoluer. Il y a d'autres tests, comme vous voyez, au cinquième point, formule sanguine, créatinine, calcémie, ce sont tous des tests pour voir s'il y a une atteinte d'organe type, par exemple. Pour la formule sanguine, c'est là qu'on voit le décompte de globules rouges, le décompte de plaquettes, le décompte de globules blancs, pour voir si c'est diminué dans le sang. La créatinine, qui est un reflet, qui est un déchet pas toxique, mais qui est un déchet éliminé par le rein, c'est un reflet de la fonction rénale. Plus ça s'élève, moins la fonction rénale est bonne. Le calcium, donc la calcémie, le taux de calcium dans le sang, est aussi un reflet de la présence de lésions osseuses du myélome multiple. Quand c'est élevé, ça signe qu'il risque d'y avoir une atteinte osseuse du myélome multiple. Donc, il y a différents tests et l'avant-dernier, la série osseuse métastatique, c'est un test des radiographies que l'on fait du crâne, de la colonne vertébrale, du gris costal, c'est-à-dire des côtes, du sternum, des os longs comme les os des bras, l'humérus, les os des membres inférieurs comme le fémur et le bassin. Donc, des radiographies des os qui sont susceptibles d'être atteints dans la maladie de myélome multiple. C'est un bon examen. Et quand on n'a pas la réponse d'un patient qui peut avoir des douleurs osseuses ou des symptômes au niveau du système squelettique, on peut avoir besoin d'examens supplémentaires comme le CT scan, comme la résonance magnétique, parfois des PET scans. Donc, globalement, l'investigation est basée sur les prises de sang, les prélèvements des urines et une fonction biopsie de la moelle osseuse et de l'imagerie médicale principalement focusée sur les os. Ici, en haut à gauche, vous voyez un anticorps qui est nettement grossi. C'est les protéines qui sont sécrétées par les cellules myélomateuses. C'est normal d'avoir des anticorps. Tout le monde a des anticorps. Ça fait partie de notre système immunitaire et ça nous protège, entre autres, contre les infections. Dans le myélome multiple, il y a un anticorps qui est reproduit en très, très grande quantité. C'est pour ça qu'on l'appelle monoclonal. C'est pas différents anticorps qui sont produits. C'est toujours le même. C'est une des raisons que même si on a beaucoup d'anticorps, le système immunitaire, en partie, n'est pas très bon parce que cet anticorps-là nous protège pas contre toutes les infections. En fait, en réalité, nous protège pas réellement contre aucune infection. Cet anticorps-là, avec les autres graphiques que vous voyez, c'est pas pour vous expliquer exactement les tests qui sont faits, mais c'est pour vous dire qu'on est capable de les quantifier, donc de voir leur présence et de les quantifier soit dans le sang ou encore dans les urines. Un point à amener, c'est que souvent, dans le sang, chez des gens qui ont un myélome multiple, on va retrouver l'anticorps et on va être capable de le quantifier. En général, on retrouve cet anticorps-là chez 80-85% des gens qui ont un myélome multiple dans le sang. Ce que ça implique, c'est qu'il y a environ 15-20% des gens qui ont un myélome multiple, d'où on ne retrouve pas cet anticorps-là dans le sang, mais on peut le retrouver dans les urines. C'est la raison que, de temps en temps, votre médecin peut vous demander une collecte des urines pendant 24 heures pour aller analyser les anticorps qui sont présents si on ne les retrouve pas dans le sérum, dans le sang. Depuis les dernières années, on a un nouveau test qui est le dosage des chaînes légères sériques libres, qui est un test dans le sang beaucoup plus sensible pour documenter la présence de ces anticorps-là, qui fait en sorte qu'en général, les patients qu'on retrouve l'anticorps dans le sang, c'est beaucoup plus que le 80 ou 85% de la proportion des patients qui avaient une atteinte au niveau du sang. Donc, les urines sont moins souvent nécessaires. C'est un test désagréable pour les patients, mais même une fois qu'on a dit ça, de temps en temps, votre médecin peut avoir besoin de regarder les urines pour quantifier cet anticorps-là dans les urines. Ici, vous avez une aspiration de la moelle osseuse au niveau du bassin d'un patient qui avait un myélome multiple. Vous voyez à gauche, il y a 7 cellules que vous voyez du côté gauche de l'image qui sont des cellules myélomateuses. C'est ces cellules-là que l'on recherche quand on fait une ponction biopsie de moelle osseuse. Et quand on en retrouve, bien, on fait une évaluation génétique pour arriver, comme je vous disais tout à l'heure, à mieux caractériser le myélome multiple du patient. Sur ce cliché-là, vous voyez des radiographies du crâne à gauche et du fémur, l'os de la cuisse à droite, qui démontrent, là, si vous regardez un peu plus près, un aspect au niveau du crâne un peu piqueté, des petites régions un peu en poinçon qui sont un peu denses, qui apparaissent plus noirâtres au niveau du crâne, des lésions typiques de myélome multiple au niveau du crâne. On a la même chose au niveau du fémur. Vous voyez au niveau du fémur, dans sa partie proximale qu'on appelle, donc la partie haute, des lésions un peu plus hypodenses. Pour le radiologiste, il nous met sur les rapports que c'est des lésions qui sont compatibles avec le myélome multiple. Ça nous aide aussi à mieux caractériser le myélome multiple, à savoir s'il y a ou non atteinte osseuse. Le myélome multiple, donc, pour le diagnostic, avec tous les tests qu'on a demandé, ben, le diagnostic formel d'un myélome multiple symptomatique prend les trois points suivants. Donc, soit la présence de l'anticorps monoclonal, soit dans le sang ou dans les urines, par différents tests qu'on a abordés tout à l'heure. Ça prend au niveau de la moelle osseuse des cellules myélomateuses ou encore d'un agglomérat, d'une masse de cellules myélomateuses ailleurs que dans la moelle osseuse. Et ça prend une atteinte d'organe cible, soit l'os avec le calcium élevé, l'hypercalcémie, qui est le premier point, ou encore des lésions osseuses, qui est le troisième point. Encore une fois, l'insuffisance rénale, ou encore le troisième point, l'anémie. Quand on a une de ces manifestations-là, on va parler d'un myélome multiple symptomatique. Ça arrive des gens qui ont des myélomes multiples, mais qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qui ont la définition du myélome multiple, mais qui n'ont pas d'atteinte d'organes cibles. On va quand même parler de myélome multiple, mais cette fois-ci, on va parler de myélome multiple indolent ou asymptomatique. Donc, quand on parle de traitement, il n'est pas toujours indiqué chez les gens qui ont un myélome multiple. Un, comme on va l'aborder tout à l'heure, quand on va parler plus spécifiquement du traitement, c'est que malheureusement, en 2010, on n'a pas encore de traitement standard en myélome multiple qui peut faire disparaître la maladie à tout jamais. On a des très bons médicaments pour contrôler la maladie, pour faire en sorte que les gens aient la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible, mais malheureusement, on n'a pas de traitement qui fait disparaître la maladie à tout jamais. On n'a pas non plus de données médicales qui nous disent que de traiter précocement quelqu'un qui a un myélome multiple, entre autres quand il est asymptomatique, quand il n'y a pas de manifestation de la présence de ce myélome, du myélome multiple, on n'a pas d'évidence que de traiter précocement, c'est mieux que de traiter un peu plus tard. Et l'autre chose, c'est que la maladie peut rester stable quand un patient est connu pour un myélome multiple indolent, asymptomatique. Il peut rester tel quel, asymptomatique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui fait en sorte qu'on ne veut pas donner d'effet secondaire à un patient alors que la maladie pourrait ne lui donner aucun problème pendant plusieurs mois, plusieurs années. Je vous ai mis sur ce cliché ici des statistiques sur les progressions en myélome multiple symptomatique à partir d'un myélome multiple non symptomatique. Où vous pouvez voir, à 10 ans, il y a à peu près 65% des gens qui ont progressé vers un myélome multiple symptomatique. Ce que ça implique, c'est qu'il y a 35% des gens en moyenne qui n'ont pas encore progressé vers un myélome multiple symptomatique. Ce qui fait en sorte qu'on ne voudrait pas traiter et donner des effets secondaires à des patients qui ont un myélome qui peut rester tranquille longtemps, alors qu'on n'a pas de données comme quoi de traiter précocement, c'est bénéfique pour les patients. Donc, les gens asymptomatiques qui ont une maladie tranquille où l'anticorps monoclonal, donc le reflet du myélome multiple, augmente très lentement, on ne voudrait pas les traiter et détériorer leur qualité de vie alors que la maladie qu'on a à traiter donne peu ou pas de problème. Par contre, lorsque un traitement est nécessaire, ben, il va se baser sur différents aspects. Le stade de la maladie, la rapidité de progression de la maladie, l'âge des patients. On dit souvent que l'âge n'est pas un facteur ou un critère discriminatif pour savoir si on peut traiter un patient ou non. C'est vrai pour le traitement. Ça ne fait pas en sorte qu'on peut ou non traiter un patient qui a un myélome multiple. Comme vous allez le voir tout à l'heure, on va parler d'autogreffes de cellules souches hématopoïétiques, communément appelées des autogreffes de moelle osseuse. On a des critères d'âge à respecter. La première chose pour les médecins, c'est de ne pas nuire aux patients. Donc, passer un certain stade ou un certain âge, des traitements comme l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques peut être trop toxique. Donc, il y a des critères d'âge pour baser le traitement. L'état général des patients, l'état de performance qu'on appelle, est quelque chose d'important à tenir compte. Les comorbidités, comme le diabète, sont des choses à tenir compte. La présence de symptômes comme des neuropathies, il y a certains médicaments qui peuvent exacerber des problèmes neurologiques. Si un patient est déjà connu pour un problème neurologique, on doit en tenir compte. Ou des complications particulières comme des antécédents d'embolie pulmonaire ou de caillots dans les veines. On a certains médicaments qui augmentent l'incidence de ces caillots-là. Donc, chez des gens qui ont une tendance à faire des caillots au niveau des poumons, au niveau des membres inférieurs, il y a des médicaments qui sont à éviter ou du moins à prendre des mesures préventives pour éviter ce type de complications-là. Et évidemment, si on n'est pas en première ligne de traitement, il faut tenir compte des traitements que les patients ont reçus antérieurement. Mais d'abord et avant tout, c'est le dernier point que je mets ici, c'est d'abord basé sur les désirs du patient. C'est toujours le patient qui prend la décision en bout de ligne avec l'information que le médecin donne. Globalement, il y a plusieurs options de traitement en myélome multiple. La pierre angulaire du traitement est basée sur la chimiothérapie. Le myélome multiple est une maladie systémique, ce n'est pas une maladie localisée, donc il faut donner des traitements aussi systémiques. Pour la chimiothérapie, on a plusieurs classes de médicaments qui sont utiles en myélome multiple. Il y a le premier point, qui sont les corticostéroïdes, comme la prednisone ou le décadron, qui s'appelle aussi dexaméthasone. Il y a le deuxième point, les agents alkylants, avec l'alkéran ou le melphalan, qui est la même chose, ou encore le prostox ou la cyclophosphamide, qui est le même médicament. Il y a la classe des anthracyclines, qui est la doxorubicine ou adriamycine, et un autre médicament qui s'appelle le Calix. Il y a les immunomodulateurs comme la thalidomide, comme un nouveau médicament qui est tout nouveau là, pour le Québec, le Canada, qui est le lénalidomide, le revlimide, qui est un analogue de la thalidomide, et une autre classe qui est les inhibiteurs des protéasomes comme le bortezomib ou Velcade. Ces options de chimiothérapie-là peuvent être données en combinaison avec une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. On va voir tout à l'heure comment. À côté des options de l'option de chimiothérapie, il y a l'option de radiothérapie, l'option de chirurgie orthopédique, des traitements de support avec ce qu'on appelle les biphosphonates pour solidifier les os, comme l'Arédia ou le Zometa qu'on va parler tout à l'heure. Donc, globalement, quand on parle de traitement à un patient, quelqu'un qui a un myélome symptomatique ou encore où on envisage que le myélome devienne symptomatique rapidement, sous peu, à cause d'une augmentation rapide de l'anticorps monoclonal, par exemple. Donc, quand on doit parler de traitement, on dichotomise, ou du moins, on sépare les traitements entre les traitements chez des gens qui sont éligibles à la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou greffe de moelle osseuse versus les gens qui ne sont pas éligibles. Il y a des critères d'éligibilité où on met l'âge comme critère pour éviter de nuire à des patients qui sont plus âgés. Bien évidemment, il y a des gens de 60 ans qui n'ont pas un état général pour avoir une autogreffe, puis il y a des gens de 68 ans qui pourraient avoir un état général pour l'avoir, mais on doit mettre certains critères, et l'âge limite qu'on se donne au Québec, au Canada en général, c'est 65 ans et moins. À des endroits comme aux États-Unis, l'âge limite, on met souvent 70 ans. À mon avis, ça devient agressif pour ce type de traitement-là qui est associé à un risque de mortalité, malheureusement. Un autre critère d'éligibilité, c'est d'avoir un myélome multiple symptomatique ou du moins un myélome multiple qui nécessite un traitement pour les raisons que je vous ai parlé tout à l'heure. On ne voudrait pas exposer un patient à un traitement qui a des morbidités, qui a des effets secondaires et des risques de complications, un patient qui pourrait être tranquille de son myélome pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça prend aussi, pour le troisième point, une absence de comorbidité significative, c'est-à-dire pas d'insuffisance cardiaque importante, pas de maladie pulmonaire sous-jacente trop cliniquement significative, pas de maladie du foie comme une cirrhose, ainsi de suite. Il faut que les organes vitaux fonctionnent bien pour être éligibles à la greffe. Une fois qu'on voit qu'un patient qui a besoin d'un traitement, qui a un myélome multiple, qui est éligible à la greffe, les étapes de traitement se séparent en cinq. Il y a un premier traitement d'induction de chimiothérapie, une deuxième étape de mobilisation des cellules souches, une troisième étape de collecte de ces cellules-là et pour les cryopréserver et les mettre à l'abri de la chimiothérapie, une quatrième étape de chimiothérapie à haute dose suivie d'une autogreffe, une ou deux, on va y venir. Et le cinquième point potentiel en termes de traitement, c'est les traitements d'entretien ou de maintenance. D'abord, pour l'induction, le but de l'induction, c'est le traitement initial qui consiste en de la chimiothérapie. Le but est de réduire la masse tumorale. Ce que l'on sait avec l'autogreffe, c'est que malheureusement, ça ne guérit pas les patients. On a des rémissions plus prolongées, des taux de réponse plus importants, mais malheureusement, ça ne guérit pas. Et il y a deux raisons de ça. C'est qu'une fois qu'on a donné les hautes doses de chimiothérapie dans le contexte de l'autogreffe, il reste malgré tout des cellules myélomateuses chez le patient. Et l'autre raison d'avoir des récidives une fois que l'autogreffe est fait, c'est que dans le greffon, une fois qu'on a été chercher des cellules souches, le greffon est souvent contaminé par des cellules myélomateuses. Donc, le but de l'induction initialement, c'est de réduire la masse tumorale au maximum pour réduire au maximum aussi la contamination du greffon et de faire en sorte que même si on sait qu'il va y avoir récidive du myélome multiple après une autogreffe, que cette récidive-là se fasse le plus loin possible. En général, on utilise des chimiothérapies pour environ 4 cycles, ce qui correspond à environ 3 à 4 mois de traitement avant d'envisager réellement l'autogreffe. Il y a différents traitements qui sont possibles. Le traitement qui est un peu plus standard, c'est la combinaison de bortézomib ou Velcade avec le décadron ou dexamétasone, mais il y a d'autres traitements qui sont possibles également en régime d'induction. Une fois qu'on a réduit la masse tumorale de façon optimale avec le traitement d'induction, on est à une deuxième étape où on doit mobiliser les cellules souches. Autrefois, il y a plus d'une quinzaine d'années, les cellules souches, on allait les rechercher directement au niveau de l'os, au niveau de la moelle osseuse. Ça nécessitait une anesthésie générale, ça nécessitait que des hématologues se mettent avec des aiguilles de chaque côté du patient, d'aller aspirer suffisamment de cellules souches pour au niveau du bassin en vue de l'autogreffe. Donc, c'était un peu plus désagréable pour les patients de passer au travers de tout ce processus-là. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on arrive à mobiliser les cellules souches, faire en sorte que les cellules souches qui sont normalement dans la moelle osseuse, qui sont les progéniteurs des cellules matures du sang, ben, on est capable de les mobiliser, c'est-à-dire de les faire passer dans la moelle au sang périphérique, donc en circulation, et que dans un deuxième temps, on peut aller les rechercher. Pour les mobiliser, on utilise deux médicaments qui est la cyclophosphamide ou le Prostox avec un médicament qui s'appelle le neupogène. Donc, le but de ça, de mobiliser et de collecter les cellules souches, c'est de mettre à l'abri de chimiothérapie à haute dose qu'on va faire juste avant l'autogreffe. Donc, de mettre des cellules souches à l'abri de cette chimiothérapie-là pour éviter qu'ils soient atteints par la chimiothérapie et de faire en sorte que les cellules du sang régénèrent malgré la chimiothérapie à haute dose qui a été donnée aux patients. Une fois que les cellules souches ont été mobilisées, on va les collecter. Je vous ai mis une image d'un appareil de leucaphérèse. C'est un appareil un peu comme une machine de dialyse, mais au lieu d'aller enlever les déchets du patient, on va aller rechercher les cellules souches. Donc, le patient est branché sur cette machine-là sur quelques heures pour aller chercher un nombre suffisamment de cellules souches pour arriver à faire une ou deux autogreffes. La majorité du temps, une seule leucaphérèse est nécessaire, donc une seule journée. Parfois, quand on récolte pas suffisamment de cellules souches la première journée, bien, on peut avoir besoin de le répéter le lendemain. Une fois que les cellules souches sont prélevées, sont collectées, à ce moment-là, on les congèle, donc la cryopréservation, et on les met au congélateur bien à l'abri de la chimiothérapie et en sécurité. L'autogreffe elle-même, bien, le but, c'est de permettre de donner des hautes doses de chimiothérapie. Le but de l'autogreffe, c'est pas de redonner les cellules souches elles-mêmes, c'est vraiment de permettre de donner des hautes doses de chimiothérapie pour détruire suffisamment plus de cellules myélomateuses pour faire en sorte que les réponses qu'on peut obtenir avec le traitement d'induction soient plus prolongées. Donc, une fois que la chimiothérapie a été donnée, une fois qu'il n'y en a plus en circulation chez le patient, on redonne les cellules souches au patient pour permettre aux globules rouges de réapparaître, aux plaquettes de réapparaître, et la même chose pour les globules blancs. Pour certains patients, selon les réponses qu'ils ont obtenues suite à la première greffe, on peut avoir besoin d'utiliser une deuxième greffe, qu'on appelle des greffes tandem. Donc, ce n'est pas tous les patients qui bénéficient de deux greffes. Parfois, une greffe, c'est suffisant. Je ne veux pas entrer dans les détails des indications de deux greffes par rapport à une, mais ne soyez pas surpris si votre médecin vous parle d'une deuxième autogreffe. Une fois que les autogreffes sont faites, donc on a eu l'induction, la mobilisation, la collecte des cellules souches, une ou deux autogreffes, parfois, votre médecin peut vous parler d'un traitement d'entretien. Encore une fois, ce n'est pas tous les patients qui bénéficient d'avoir un traitement d'entretien après les greffes, Mais pour certains patients, selon les réponses qui ont été obtenues avec les traitements précédents, on peut avoir besoin d'utiliser la thalidomide, le médicament en général qu'on utilise pour l'entretien. La thalidomide à relativement faible dose pour quelques mois pour essayer d'améliorer la réponse et de faire en sorte que la réponse soit plus durable. On vient de voir pour les patients éligibles à la greffe en première ligne de traitement. Pour les patients qui ne sont pas éligibles à la greffe, le schéma de traitement est un peu plus simple. On n'a pas d'autogreffe, on n'a pas de mobilisation de cellules souches à faire, on n'a pas de collecte à faire. C'est vraiment la chimiothérapie de première ligne qui est le traitement de base. Et j'ai mis la maintenance en gris un peu moins apparent parce que la réalité, c'est qu'on a beaucoup moins de littérature sur les bénéfices de l'entretien en dehors du contexte de l'autogreffe. Ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une erreur d'ajouter de la maintenance par votre docteur en dehors d'un contexte d'autogreffe, mais les données de la littérature sont un peu plus rares pour voir s'il y a réellement des bénéfices. Donc, pour les traitements de chimiothérapie de première ligne, le but est de réduire la masse tumorale, évidemment, d'obtenir les meilleures réponses possibles et de souhaiter que ces réponses-là soient le plus durables possible. En général, ce sont des chimiothérapies qui sont échelonnées sur plusieurs mois, qui vont souvent de 12 à 18 mois. Donc, des traitements de longue haleine, mais en général, ce sont des traitements qui ont peu d'effets secondaires. Donc, quand on pèse le pour et le contre, il y a des nets avantages à traiter les gens qui ont un myélome multiple plutôt que d'endurer les manifestations du myélome multiple lui-même. Il y a plusieurs traitements possibles. Il n'y a pas un traitement de base recommandé puis tous les autres ne sont pas bons. Il y a plusieurs options. Il y a l'option melphalan-prednisone. Il y a l'option melphalan-prednisone avec la thalidomide. Il y a l'option de Velcade ou bortézomib en association avec le melphalan-prednisone. Donc, il y a beaucoup d'options possibles et c'est pas parce que vous avez eu ou qu'un de vos proches ont eu un traitement différent de celui-là que ce n'est pas un bon traitement. Il y a réellement beaucoup d'options de traitement. Encore une fois, l'entretien n'est pas un traitement standard, mais ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une erreur de prescrire une maintenance même en dehors d'un contexte de greffe. Pour les traitements de la rechute, en fait, ça va dépendre de deux choses. La qualité de la réponse, pas tant la réponse elle-même, mais surtout la durée de la réponse et de la tolérance au traitement. Donc, les gens qui, après un traitement de première ligne, ont eu une réponse prolongée qui a duré, par exemple, de plus d'un an et aussi qui a été bien tolérée, ben à la rechute, à la récidive, c'est correct de represcrire le même traitement s'il a été bien toléré. En général, quand on represcrit le même traitement d'un traitement qui a été donné antérieurement, on n'a pas des meilleurs résultats. En général, les durées de réponse sont un peu plus courtes, mais si le traitement a été bien toléré, avant de passer à d'autres catégories de médicaments, ben ça vaut la peine de bien épuiser une ligne de traitement avant de passer à une autre, parce que malheureusement, on a plusieurs options, ça c'est la bonne chose, en termes de traitement, mais c'est pas illimité les types de traitements qu'on peut avoir en myélome multiple. Donc, quand on a des réponses de bonne qualité, durables, bien tolérées chez un patient, bien, c'est correct de réutiliser les mêmes traitements à la récidive. Sinon, si le traitement a soit pas été bien toléré ou encore que la durée de réponse n'a pas été très longue, en général moins d'un an, bien, on envisage d'autres options de traitement. On utilise ce qui n'a pas été utilisé initialement. Ça peut être la thalidomide, le lénalidomide, le bortézomide, en combinaison avec d'autres médicaments ou comme agent seul. Il y a une multitude d'autres molécules qui sont en développement présentement. Je vous ai mis un cliché ici. Le but, c'est pas d'aller en détail dans ces différents médicaments-là, mais juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui sont en étude, en développement actuellement, qui touchent le myélome multiple. Au travers de tous ces médicaments-là, évidemment, c'est pas tous ces médicaments-là qui vont percer le marché pour lesquels on va vraiment documenter une efficacité significative dans le contexte d'un myélome multiple, mais certainement plusieurs de ces molécules-là, certains de ces médicaments-là sont prometteurs et vont devenir cliniquement efficaces en myélome multiple. Une note sur le pronostic. On n'aime jamais beaucoup parler avec les patients de pronostic parce que, un, on n'a pas de baguette magique en myélome multiple. Par contre, cet aspect-là de pronostic fait partie de la maladie, ça fait partie de la vie. C'est toujours important d'en glisser un mot. Donc, même si on dit que le myélome multiple, malheureusement, les traitements qu'on a en 2010, les traitements ne sont pas curatifs, mais plutôt palliatifs, ça ne veut pas dire que les traitements n'ont pas de rôle à jouer. On sait que le myélome multiple, par rapport à plein d'autres cancers, c'est une maladie qui est nettement très chimiosensible. Donc, les patients, la maladie répond très bien en général à la chimiothérapie. Malheureusement, la maladie récidive, mais aujourd'hui, en 2010, on a plusieurs outils pour faire en sorte de contrôler la maladie longtemps. Il y a eu une amélioration franche de la survie des gens qui ont un myélome multiple depuis le début des années 2000. Et c'est pas dû au hasard, c'est dû à la recherche et au développement, entre autres, trois molécules qui sont maintenant sur le marché. La première, fin des années 90, début des années 2000, avec la thalidomide. Ensuite, on a vu apparaître le bortézomide, plus récemment le lénalidomide, avec plein d'autres molécules qui s'en viennent sur le marché. Donc, il y a plusieurs médicaments prometteurs. Je vous ai mis deux graphiques, des courbes de survie. Encore là, on n'aime pas parler de ça avec les patients. Ça fait partie de la vie. Et le point intéressant, c'est que les choses s'améliorent. C'est des petits pas à chaque fois, mais c'est des pas toujours dans la bonne direction. À gauche, vous voyez l'expérience d'un groupe américain de la clinique Mayo, qui est un gros groupe qui voit beaucoup de patients avec des myélomes multiples, où en fonction des strates dans le temps, selon différentes périodes dans le temps, la courbe la plus haute, c'est à partir de 2001, où on voit clairement une amélioration de la survie des gens qui sont atteints d'un myélome multiple. La courbe de droite, c'est l'expérience d'un groupe européen, le groupe grec, qui sont arrivés à la même observation depuis le début des années 2000. Donc, autrefois, on parlait de survie médiane. Donc, ce sont des moyennes, ce sont pas un patient, quand on parle de survie médiane, c'est pas la survie que le patient va avoir, mais ce sont des moyennes. Il y a des patients qui sont à gauche de ça, il y a des gens qui sont à droite de ça. En moyenne, on parlait de 3 à 4 ans. Aujourd'hui, on parle plus de 6 à 7 ans. C'est un pas de géant, mais un pas qui est significatif et qui va dans la bonne direction. Globalement, un mot pour parler des traitements de support. Donc, à côté du traitement du myélome multiple lui-même, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie des patients. La radiothérapie en est un. Les chirurgies orthopédiques ou encore des interventions radiologiques, on va y venir. La prescription de bisphosphonates quand il y a des complications osseuses avec l'Arédia ou le Zometa. La prescription d'antibiotiques, d'immunoglobulines, des transfusions, des facteurs de croissance comme l'érythropoïétine ou le GCSF, qui est aussi appelé le neupogène, et la vaccination, c'est toutes des choses qui peuvent être faites pour tenter d'améliorer la qualité de vie des patients. D'abord, la radiothérapie. La radiothérapie, c'est des rayons gamma qui sont donnés localement à un endroit. Évidemment, comme on a dit tout à l'heure, le myélome multiple, c'est une maladie systémique, c'est-à-dire que c'est pas un endroit localisé à un seul endroit, mais quand un ou très peu d'endroits sur un patient donne des problèmes, donne des symptômes, entre autres des douleurs. Prenons un patient qui a une douleur au niveau d'une épaule et cette douleur-là nécessite des analgésiques, des narcotiques, de la morphine, du dilodide, parfois des traitements de radiothérapie qui sont courts en une seule fraction ou en cinq fractions peut avoir des gros bénéfices pour soulager les douleurs d'un patient et faire en sorte qu'il ait moins besoin de prendre des médicaments qui ont des effets secondaires pour contrôler la douleur. Un autre point qui est important, c'est les chirurgies orthopédiques. On souhaite ne jamais en avoir besoin chez les patients, mais quand il y a des complications osseuses comme des fractures, comme des compressions de la moelle épinière au niveau du dos, parfois des chirurgies orthopédiques vont être nécessaires. Le troisième point que je vous mets, la sifoplastie, c'est une intervention faite par les radiologistes, qu'on appelle les radiologistes d'intervention. Quand il y a un affaissement d'une vertèbre, donc l'image de gauche, il y a une vertèbre qui s'est affaissée où le patient peut être très symptomatique, avoir beaucoup de douleurs au niveau du dos, ce qui peut être fait, c'est d'insérer un petit cathéter dans l'os lui-même, de gonfler un ballonnet pour redonner la hauteur à la vertèbre. Et la quatrième image, c'est de mettre du ciment au niveau de ce ballonnet-là pour maintenir la hauteur de la vertèbre. Et ensuite, on retire le cathéter. C'est une technique qui est pas très longue et qui peut être très bénéfique pour les patients qui ont un affaissement vertébral qui est très douloureux. On le fait pas pour un affaissement vertébral qui ne donne pas de symptômes, mais des gens qui ont des douleurs sur des affaissements vertébraux, presque instantanément, ça peut soulager les douleurs. C'est des choses, c'est des outils que l'on a aujourd'hui en 2010. Les bisphosphonates, c'est des médicaments qui ne traitent pas le myélome multiple lui-même, mais qui traitent les complications du myélome multiple sur l'os. Ce n'est pas indiqué chez les gens qui ont un myélome multiple qui qui n'ont pas de lésions osseuses. C'est indiqué lorsqu'il y a des complications ou des lésions osseuses reliées au myélome multiple. Et le but des bisphosphonates, ça va être de prévenir et retarder des fractures ou des risques de compression de la moelle épinière au niveau du dos, diminuer les besoins de chirurgie ou encore les besoins de radiothérapie. Les bisphosphonates, c'est des médicaments qui sont bien tolérés. C'est plutôt rare d'avoir des effets secondaires au moment de l'administration. Il y a des gens qui peuvent avoir des rougeurs, d'avoir des réactions allergiques, d'avoir des petits degrés de température, mais c'est plutôt inhabituel. Les deux effets secondaires qui sont à surveiller, c'est l'insuffisance rénale. Et j'en glisse un mot parce qu'en myélome multiple, l'insuffisance rénale, étant donné que les reins est un organe cible, un organe cible du myélome multiple, bien, on veut essayer d'éviter les médicaments qui ont trop de toxicité sur les reins. Les bisphosphonates, c'en est un. Il faut surveiller la créatinine, c'est-à-dire qu'il faut surveiller la fonction rénale quand on administre les bisphosphonates aux patients. L'autre complication possible, c'est plus nouvellement connue depuis le début des années 2000, où on parle d'ostéonécrose de la mâchoire. C'est au niveau de la cavité buccale, au niveau de la bouche, au niveau des gencives, c'est une dévitalisation de la muqueuse. La muqueuse au-dessus de l'os disparaît, si vous voulez, et ça expose l'os. Il peut y avoir des infections reliées à l'os. C'est une complication qu'on essaie d'éviter. Il y a deux facteurs de risque pour ça. C'est la durée de traitement avec les bisphosphonates. Plus c'est lent, plus les patients sont à risque d'avoir cette complication-là, dont l'incidence est environ 5-6% des gens qui sont sous bisphosphonate à long terme. L'autre facteur de risque, c'est les manipulations au niveau de la cavité buccale. Quand vous allez chez le dentiste, on ne parle pas de nettoyage, c'est pas suffisamment traumatisant, mais quand il y a des traitements de canal ou encore d'autres types de traumatismes ou d'interventions invasives au niveau de la bouche, ça augmente le risque d'avoir cette complication-là. Donc, ce qui fait en sorte qu'en prévention, avant de commencer des bisphosphonates à un patient, c'est toujours une bonne chose de le faire évaluer soit par son dentiste ou encore par un chirurgien maxillofacial pour s'assurer que si un patient, on envisage qu'il va avoir besoin d'intervention dentaire au courant des mois qui suivent, bien, ça serait toujours important de les faire avant de commencer les bisphosphonates qu'après, parce qu'après, on va augmenter les risques de cette complication-là. C'est important de maintenir une bonne hygiène dentaire, le lavage des dents, la soie dentaire de façon non traumatique et de faire une surveillance soit par le médecin et ou par le dentiste de la cavité buccale pour surveiller cette complication-là. Quand cette complication-là arrive, bien, la conduite est des antibiotiques pour traiter les infections potentielles. Il y a souvent une infection associée, des rince-bouche, cesser les bisphosphonates, et par le dentiste expérimenté ou encore un chirurgien maxillofacial, des débridements au niveau du site d'ostéonécrose pour tenter d'améliorer la guérison de ces lésions-là. Pour ce qui est des antibiotiques, au Canada, en général, on les utilise pour des infections actives. On ne les utilise pas comme souvent les Américains le font en prévention. Ce qu'on a peur, c'est de l'apparition de bactéries ou de germes qui deviennent résistants envers les antibiotiques quand on en a réellement besoin. Ça fait en sorte qu'on les réserve pour les infections actives, pour des cas d'exception, pour des gens qui ont vraiment des infections à répétition. Parfois, on fait des exceptions aussi, on en donne en prévention, mais c'est plutôt inhabituel. Le deuxième point, les immunoglobulines. C'est quoi une immunoglobuline? C'est un anticorps. Ça peut vous paraître paradoxal. On a dit que dans le myélome multiple, les anticorps sont augmentés. On a dit que c'était les anticorps monoclonaux, un anticorps monoclonal, qui n'est pas un anticorps qui est très bon à protéger contre les infections. Parfois, quand on a des gens dont les anticorps normaux sont bas en concentration dans le sang et qui font des infections à répétition, ça peut être utile d'administrer par les veines, une fois par 3 ou 4 semaines, par exemple, des anticorps, des immunoglobulines de sujets normaux pour tenter de réduire l'incidence des infections. Pour ce qui est des transfusions, la conduite à tenir en fonction de l'anémie, la baisse des globules rouges, va être variable d'un patient à l'autre parce que le traitement est basé sur la tolérance de l'anémie par un patient. Et il n'y a pas deux patients qui tolèrent l'anémie de la même façon. Il y a des gens qui ont une hémoglobine basse, par exemple, à 80, qui vont très bien le tolérer, alors qu'il y a d'autres patients qui, à 85 ou 90 d'hémoglobine, qui est quand même bas, mais vont beaucoup moins bien le tolérer. Entre autres, les patients qui ont une maladie cardiaque, de l'angine, les antécédents d'infarctus, souvent peuvent moins bien tolérer l'anémie. Donc, parfois, il n'y a pas de seuil de transfusion à partir d'un certain chiffre. Ça dépend toujours de la tolérance des patients. Donc, des transfusions peuvent être utiles dans ce contexte-là. L'alternative aux transfusions, c'est des agents qui stimulent la fabrication de nouveaux globules rouges. On appelle ça des agents érythropoïétiques, comme l'érythropoïétine, qu'on entend souvent parler quand on parle de SPAR. Dans un contexte médical d'anémie, ce n'est pas un médicament qui est illégal. C'est un très bon médicament. Il y a l'Eprex, il y a l'Aranesp, qui sont des médicaments qui peuvent diminuer les besoins de transfusion. En myélome multiple, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que ce médicament-là est associé à une augmentation de la fréquence des ce qu'on appelle les phénomènes thromboemboliques, c'est-à-dire des embolies pulmonaires, des caillots qui vont se loger au niveau des poumons ou encore des caillots qui se logent au niveau des jambes, des membres inférieurs. Et en myélome multiple, on a plusieurs outils comme la thalidomide ou lénalidomide quand c'est donné en association avec d'autres médicaments comme la cortisone, augmente le risque de ces thromboses-là, de ces caillots-là. Donc, on veut tenter d'éviter des facteurs de risque pour les caillots. Donc, on essaie le plus possible d'éviter leur utilisation, les agents érythropoïétiques, mais parfois, ça peut être utile pour certains patients donnés pour réduire les besoins de transfusion. Pour ce qui est des globules blancs, parfois, on a des gens qui ont des patients qui ont des globules blancs diminués ou encore que les globules blancs sont corrects initialement, mais on veut utiliser un traitement dont l'effet secondaire est de réduire les globules blancs et parfois, on peut être limité dans l'utilisation d'un médicament. Donc, dans ce contexte-là, il y a un facteur de croissance qui stimule la fabrication de globules blancs qui s'appelle le GCSF ou le neupogène qui peut être utile. Ça ne traite pas le myélome multiple, mais ça peut permettre parfois de prévenir des infections ou encore d'administrer un médicament qu'on ne pourrait pas administrer en raison de la baisse trop importante des globules blancs. La vaccination, j'en glisse un mot, le myélome multiple, c'est une maladie qui diminue l'immunité. Les gens sont immunosupprimés. En début de maladie, au moment où le diagnostic est fait, les gens sont peu immunosupprimés. Mais avec l'évolution, avec les années, il y a un certain degré d'immunosuppression qui se crée, qui fait en sorte qu'éventuellement, quand on voit un certain degré d'immunosuppression, ce n'est pas une mauvaise chose de recommander à un patient le vaccin pour le pneumocoque. Et après 5 ans, on ne sait pas très bien son efficacité. On recommande une revaccination après 5 ans de la première vaccination. Il y a aussi le vaccin contre l'influenza, le virus de la grippe, qui est recommandé pour tous les patients qui ont un myélome multiple annuellement. Et j'aurais pu et dû ajouter maintenant le virus d'influenza, le virus AH1N1. C'est un virus aussi qui devrait être administré aux patients qui ont un myélome multiple annuellement. C'est un vaccin mort, c'est un vaccin sécuritaire qui n'occasionne pas la grippe et qui peut prévenir des complications pour une clientèle de patients qui sont immunosupprimés. Un mot sur la recherche en myélome multiple. En fait, globalement, la recherche médicale, il y a 2 grands types de recherche qui se fait. Il y a la recherche fondamentale et il y a la recherche clinique. Il y a des gens qui font de la recherche qu'on appelle translationnelle, donc qui prennent qui font de la recherche fondamentale, mais avec une application clinique. Mais globalement, il y a la recherche fondamentale et clinique. La recherche fondamentale, c'est la recherche qui se fait in vitro, en laboratoire, ou encore des études qui se font chez l'animal, typiquement la souris. Ce sont des études excessivement importantes parce que c'est ces études-là qui tracent ou qui font les esquisses de la recherche clinique. C'est là-dessus que l'on se base pour développer des protocoles de recherche clinique pour améliorer les résultats, le devenir des patients. Par la recherche fondamentale, on arrive à mieux connaître une maladie, dans le contexte de ce soir, le myélome multiple. Ça permet d'évaluer le mécanisme d'action de certains médicaments. Ça permet aussi d'évaluer une certaine forme d'efficacité in vitro en dehors du patient ou encore l'efficacité chez l'animal de nouveaux médicaments. C'est une phase essentielle dans le reste de la recherche qui se fait au niveau clinique. Quand on a par exemple, parlons de traitement, un médicament qui est prometteur sur des données fondamentales, c'est là qu'on va passer à la recherche clinique. Quand on parle de recherche fondamentale, on parle de recherche in vitro ou encore de recherche chez l'animal. Même si c'est des recherches qui sont à l'extérieur du patient, on n'administre rien au patient, souvent on a besoin de spécimens des patients, de spécimens de sang, ou parfois quand le médecin a une ponction de biopsie de moelle à faire, on peut avoir besoin d'aller chercher un peu de moelle supplémentaire pour étudier les cellules myélomateuses en cas de myélome multiple. Donc, ça se fait pas à l'insu des patients, c'est toujours des choses faites dans un contexte de recherche où il y a un protocole de consentement, des choses comme ça, mais si on vous approche pour donner du matériel, du sang ou de la moelle osseuse, vous pouvez avoir vos raisons pour refuser et c'est correct, on respecte ça, mais c'est le type de recherche qui peut améliorer le devenir des traitements qu'on a en myélome multiple. C'est quelque chose qui peut être utile, même si c'est encore loin de la prescription par le docteur d'un médicament donné, c'est quand même une première étape essentielle. Par rapport à la recherche clinique, on a des études de phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Les phases 1, c'est quoi? C'est quand un médicament sort de la recherche fondamentale, de ce qu'on appelle les études précliniques. On veut étudier principalement les effets secondaires et la toxicité chez les patients. Donc, on utilise des doses de médicaments à petite dose et on escalade progressivement la dose pour s'assurer de la bonne tolérance et on regarde quelle dose peut être tolérée par les patients pour aller de l'avant avec un médicament qui a un potentiel d'efficacité. C'est le but des phases 1. C'est des études qui sont moins intéressantes pour les patients. Les patients souvent nous disent, ben, vous regardez pas l'efficacité, vous regardez surtout les effets secondaires ou encore les toxicités. Ça m'intéresse pas, je veux pas servir de cobaye. Ça reste que c'est une étape importante dans le processus de la recherche. Et parfois, souvent les phases 1, c'est fait chez les patients chez qui on a épuisé les lignes de traitement standards que l'on avait. Donc, pour certains patients, ça peut être très intéressant de participer à ces études-là parce que ça peut leur donner accès à des médicaments qu'ils n'auraient pas accès autrement. Les études de phase 2, ce sont des études qui sont là pour évaluer encore là la tolérance des traitements chez les plus grand nombre de patients, mais pour lesquels aussi on évalue l'efficacité. Les phases 3, c'est vraiment ces études-là où on peut comparer l'efficacité d'un traitement expérimental qu'on souhaite soit meilleur qu'un traitement standard ou encore moins toxique. C'est toujours comparé soit à un placebo s'il n'y a pas de traitement standard ou encore au traitement standard pour les médecins et pour l'impact que la recherche a sur l'amélioration des traitements en médecine. C'est vraiment ces études-là qui ont le plus gros impact. Les études de phase 4, ce sont des études où on suit une cohorte de patients qui ont été exposés à un médicament, où on les suit à long terme pour voir si, soit pour des effets secondaires qui sont rares, ou en soit pour des effets secondaires qui peuvent arriver à plus long terme, ça nous permet d'avoir une meilleure idée sur la sécurité d'un médicament à plus long terme. Pour le myélome multiple, j'ai été sur un site qui est sur Internet, le site du GEOC. C'est le groupe d'études en oncologie du Québec, où il y a un site sur la recherche qui se fait au Québec pour différentes maladies. J'ai été regarder sur ce site-là pour voir qu'est-ce qui se faisait actuellement en myélome multiple au Québec. C'est pas un site où tout ce qui fait en recherche se retrouve, mais globalement, pour vous donner une idée, il y a une étude chez les patients qui ont un myélome multiple en première ligne, c'est-à-dire qui n'ont jamais été traités, qui sont non éligibles à la greffe, où on compare un traitement standard qui est le melphalan prednisone thalidomide avec un traitement expérimental qui est le lénalidomide et le décadron, qu'on souhaite soit être supérieur ou moins toxique que le traitement standard, qui se fait dans différents milieux au Québec, dont l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où je travaille. Il y a une étude qui se fait à l'hôpital Charlemagne, qui est une étude pour les gens qui ont un myélome multiple récidivant ou réfractaire pour évaluer l'efficacité et la sécurité du bortézomibre dans un contexte d'insuffisance rénale. Une autre étude se fait à l'hôpital Notre-Dame pour évaluer un médicament, le vorinostat, soit avec le bortézomibre ou bortézomibre seul pour voir si on peut pas améliorer l'efficacité du bortézomibre quand on l'ajoute à un autre médicament. Une autre étude qui est faite à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une étude de phase 1 où on regarde l'efficacité et la sécurité d'un médicament, le bortézomibre, qui est bien connu, mais en combinaison avec un nouveau médicament qui est le LDH-589. Le but, ce n'est pas d'aller en détail là-dessus, mais c'est pour vous donner juste une idée comme quoi il y a de la recherche qui se fait au Québec en myélome multiple. Malheureusement, il n'y a pas énormément de recherche qui se fait, il n'y a pas tant d'investissement qui sont faites pour cette maladie-là, et c'est une des raisons pour lesquelles moi et mon groupe à Maisonneuve-Rosemont, on travaille pour établir ou créer une chaire de recherche en myélome multiple, qui serait la première chaire de recherche en myélome multiple au Québec. Donc, ça se fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, affilié à l'Université de Montréal. On est présentement en mode de financement. La mission de cette chaire-là, évidemment, le premier point, c'est d'améliorer le soin des patients atteints de myélome multiple, pas juste à Maisonneuve-Rosemont, mais d'avoir un rayonnement réellement provincial. Évidemment, il y a d'autres missions que cette chaire-là a. Une des missions, c'est l'éducation et l'enseignement pour les patients, pour leur entourage. Des présentations comme je fais ce soir, que je fais dans d'autres contextes avec d'autres associations, dont Myélome Canada, les objectifs, en fait, c'est très utile pour les patients et l'entourage, pour leur éducation et la compréhension de leur maladie. Il y a également un bénéfice pour l'enseignement, pour les médecins de différentes spécialités ou encore des médecins de famille, pour les sensibiliser à cette maladie-là. C'est une maladie qui n'est pas statique. Il y a beaucoup de recherches qui est faite au travers de la planète. Pas beaucoup au Québec, mais il y a beaucoup de recherches qui se fait. C'est important de se tenir à jour et c'est difficile de se tenir à jour parce que ça bouge dans toutes sortes de domaines. Donc, pour des médecins de première ligne comme les médecins de famille, c'est utile d'avoir des séances d'information, d'éducation. Et l'autre chose en termes d'enseignement, c'est de former la relève qui va être les futurs médecins plus tard. Il y a également un rôle, évidemment, de recherche, d'améliorer la recherche clinique qui se fait au Québec et également de faciliter la recherche fondamentale parce qu'il y en a très peu en myélome multiple au Québec. Les dons peuvent se faire via la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On est à travailler sur un pamphlet pour le distribuer aux patients ou à leur entourage pour les sensibiliser à la recherche qu'on aimerait améliorer au Québec. Donc, globalement, en conclusion, il est 7 heures, j'ai déjà passé mon heure, mais globalement, en conclusion, le myélome multiple est un cancer. C'est un cancer hématologique qui est un genre de leucémie indolente. Pas pour tous les patients. Il y a des patients chez qui la maladie est un peu plus agressive, mais c'est quand même jugé une maladie indolente, dont les causes sont pas clairement bien établies et dont les manifestations sont souvent non spécifiques. Quand on a la puce à l'oreille qu'un patient pourrait avoir un myélome multiple, c'est vraiment le support du laboratoire et de l'imagerie médicale qui nous aide pour le diagnostic avec les différents critères que je vous ai parlé aujourd'hui. Tous les patients qui ont un myélome multiple ne doivent pas être traités d'emblée. Les gens qui ont un myélome multiple asymptomatique, on peut facilement les observer et on souhaite que cette observation-là soit le plus prolongée possible pour essayer d'éviter le plus longtemps possible les effets secondaires que l'on a de nos médicaments. Par contre, quand le myélome multiple devient symptomatique ou qu'il progresse et qu'on s'attend que le myélome multiple soit symptomatique en termes de semaines ou de mois, on propose des traitements aux patients. Le traitement est basé pour les gens éligibles à la greffe par l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec les 5 étapes de traitement, l'induction avec la chimiothérapie de première ligne, la mobilisation des cellules souches, la collecte des cellules souches, l'autogreffe elle-même précédée de chimiothérapie à haute dose avec ou sans entretien. Quand les patients ne sont pas éligibles à la greffe, c'est de la chimiothérapie qui dure plusieurs mois, en général de l'ordre de 12 à 18 mois, des traitements qui sont en général bien tolérés, mais quand même de longue haleine. Il y a plein de nouvelles molécules qui viennent sur le marché, soit qui sont déjà là depuis le début des années 2000 et qui ont clairement amélioré le devenir des patients qui ont un myélome multiple, et plusieurs nouvelles molécules qui s'en viennent sur le marché. Donc, les efforts de la recherche, de l'innovation et de développement ne sont vraiment pas vains. Ici, ça clôt la présentation. On va passer à la période de questions. Donc, pour la première question, quels sont les plus grands effets secondaires au traitement de chimio? C'est une question qui est quand même assez large. Il y a vraiment beaucoup de médicaments que l'on a et parler de chacun des effets secondaires pour chacun des médicaments, là, ça serait une présentation en soi. Ce qu'on peut mentionner, en fait, ça dépend beaucoup des médicaments. Il y a des médicaments dont les effets secondaires est ce qu'on appelle la myélotoxicité. Ça diminue la quantité de cellules dans le sang alors que le myélome multiple peut déjà avoir cet effet-là. Donc, parfois, on peut avoir des globules blancs qui baissent à cause des traitements, un peu plus d'anémie à cause des traitements ou les plaquettes qui baissent à cause des traitements. Parfois, ça peut être problématique. Pour certains médicaments comme le bortézomib ou Velcade ou encore la thalidomide, c'est des médicaments qui peuvent donner une toxicité sur les nerfs, si vous voulez, des doigts ou des orteils, des engourdissements au niveau des doigts. C'est des choses qui peuvent progresser puis devenir un peu plus significatives pour des patients. Parfois, on est obligé de cesser les traitements, pas à cause de leur inefficacité, mais à cause de leur intolérance pour ce type d'effet secondaire-là. Il y a des médicaments qui augmentent le risque de faire des caillots, comme je vous mentionnais tout à l'heure. parfois, quand on a besoin de les utiliser, on a besoin d'une prévention avec soit de l'aspirine ou encore des anticoagulants pour réduire le risque de ces complications-là. Il y a des toxicités, des effets secondaires sur le tube digestif qui sont possibles aussi. En général, la chimiothérapie, les nausées, vomissements, c'est un peu plus problématique. Avec les outils qu'on a pour traiter le myélome multiple, c'est beaucoup plus rarement problématique, mais parfois, il peut en avoir un petit peu plus, de la diarrhée, de la constipation, et ainsi de suite. Mais globalement, en soi, ça pourrait faire l'objet d'une présentation elle-même. Deuxième question, les doses d'entretien après une greffe de cellules souches sont-elles souhaitables? Ou y a-t-il un risque d'un deuxième chimiothérapie soit moins efficace advenant une rechute? Donc, globalement, pour l'entretien, on a plus de données dans des contextes suivant l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, soit une seule greffe ou encore deux greffes, et pas chez tous les patients. On sait que les gens qui ont eu une très bonne réponse au traitement, soit avec une ou deux greffes, ne bénéficieront pas d'un traitement d'entretien. Par contre, les gens qui ont une réponse, mais pas une réponse de très grande qualité, ces gens-là, après la ou les deux greffes de cellules souches hématopoïétiques, peuvent bénéficier d'avoir cet entretien-là. Pour les doses, pour la durée, c'est un sujet de controverse en hématologie. Les doses que je recommande personnellement, c'est d'utiliser en fait 100 mg, c'est-à-dire deux comprimés de thalidomide. Un comprimé correspond à 50 mg, donc d'utiliser 100 mg si le patient le tolère pour obtenir la meilleure réponse possible. En général, je le garde un an ou moins qu'un an selon la tolérance du patient. En contexte de non-greffe, comme je vous mentionnais tout à l'heure, quand il n'y a pas d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les données de la littérature sont plus rares par rapport aux bénéfices réels de l'entretien. Personnellement, je ne l'utilise pas chez les gens où on n'est pas dans un contexte d'autogreffe. Troisième question. J'ai le myélome multiple depuis un peu plus de deux ans. Je me demande si vers l'évolution finale, je me servirai d'une canne ou de béquille, serais-je en fauteuil roulant ou garbataire? Présentement, je suis bien. Le seul malaise que j'ai, c'est quand je me tourne brusquement du côté gauche, côté où on m'a fait une biopsie de la moelle osseuse de l'os iliaque, et je ne dois porter l'article pesant. Merci. Donc, globalement, la question, si on résume, c'est avec l'atteinte osseuse que le myélome multiple peut donner. Éventuellement, quand le myélome multiple progresse ou qu'on a une maladie qui devient un peu plus récidivante, qui devient réfractaire, bien, il y a des gens qui peuvent avoir une atteinte osseuse un peu plus importante. Et parfois, effectivement, oui, il y a des gens qui ont besoin d'une canne, qui ont besoin d'une marchette. Parfois, c'est plus rare, mais parfois ça arrive, surtout chez les gens qui ont une certaine obésité, d'avoir besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. C'est des choses qui sont possibles. En termes de douleur, en 2010, on a un gros arsenal. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments et d'options de traitement pour faire en sorte que les gens qui ont un myélome multiple ou d'autres cancers qui touchent les os, on a beaucoup d'outils pour faire en sorte que les patients soient confortables, que les douleurs soient bien contrôlées. Parfois, ça demande un ajustement, parfois, ça demande du temps pour arriver à la bonne dose, et on doit jauger le médicament en fonction des effets secondaires, ainsi de suite. Mais globalement, en termes de douleur, on a quand même des bons outils pour contrôler la douleur. Par contre, pour certains patients, même quand la maladie évolue, il y a certains patients qui ont un myélome multiple où la maladie n'a pas une grosse affinité pour l'os. Donc, ça peut donner plus de l'insuffisance rénale ou ça peut donner plus une baisse des globules blancs, des plaquettes, des globules rouges. Chez tous les patients, ça n'atteint pas nécessairement l'os, bien que ce soit un organe cible. Quatrième question. Bonsoir, Dr. Leblanc. Pouvez-vous me spécifier, s'il vous plaît, si le mot thérapie que mon hématologue m'a parlé dernièrement veut dire traitement? Les deux mots veulent dire la même chose. Mon taux de mes protéines qui était 17, on me dit que c'est élevé. Est-ce que dire que j'aurai une thérapie égale traitement? Merci à l'avance pour votre réponse. Donc, pour la première partie de la question, est-ce que thérapie égale traitement? La réponse, c'est oui. Thérapie, c'est un terme vague qui peut inclure toutes sortes de choses, la radiothérapie, et ainsi de suite. Ça n'implique pas nécessairement la chimio. Quand on parle de traitement à myélome multiple, En général, c'est le traitement un peu plus rivé contre le myélome multiple, mais globalement, on peut l'utiliser comme synonyme. Et pour la deuxième partie de la question, les protéines qui sont à 17, en fait, j'assume que c'est 17 grammes par litre, c'est les unités qu'on utilise là pour quantifier les anticorps monoclonaux. Donc, 17 grammes par litre, ce n'est pas très élevé. Encore là, pour un patient donné, l'augmentation ou la baisse de l'anticorps monoclonal est informative pour le médecin. Par contre, on a des gens qui ont un myélome multiple, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies et que les anticorps sont un peu élevés, mais pas tant que ça, alors qu'on a d'autres patients qui ont très peu de maladies avec des anticorps très élevés dans le sang. Donc, le seul chiffre de 17 grammes par litre, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de maladies. Ça peut être tout simplement être un myélome multiple qui sécrète un peu plus d'anticorps alors qu'il n'y a pas beaucoup de maladies, ou encore l'inverse. On ne se base pas nécessairement sur le chiffre lui-même de la concentration pour décider du traitement. Ça dépend aussi de la vélocité d'augmentation. Si vous êtes à 17, puis dans 2 mois, vous êtes à 18, puis dans 8 mois, vous êtes à 21, quand on voit que la vélocité d'augmentation de l'anticorps monoclonal est très tranquille, on n'a pas besoin de sauter rapidement sur les traitements, on peut se laisser une période de recul. Par contre, s'il y a 2 mois, vous étiez à 5 et là, vous êtes à 17, ça, c'est différent. Le Zometa a-t-il des effets secondaires? Si oui, lesquels? Donc, le Zometa, c'est le médicament que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans la classe des biphosphonates. Il y a 3 médicaments, en réalité, qui peuvent être prescrits en myélome multiple, qui font partie de cette classe-là. Les deux plus connus, c'est le Zometa, qui est l'acide zoledronique, et l'autre, c'est l'Aridia, qui est le famidronate. Il y en a un troisième qui est moins utilisé, qui se donne par la bouche, mais il est souvent pas très bien toléré par les patients. Ça donne des brûlements d'estomac, entre autres, ou encore du reflux gastro-œsophagien. Il s'appelle le clodronate. Tous ces médicaments-là partagent le même type d'effet secondaire. C'est des médicaments, donc, pour l'Aridia et le Zometa, qui sont donnés par les veines. Parfois, on peut avoir des réactions au moment de l'infusion, des rougeurs, on peut avoir des réactions allergiques comme de l'urticaire, des choses comme ça, ou encore des petits degrés de température, de la fièvre. Et en général, comme je vous mentionnais, c'est des médicaments qui sont excessivement bien tolérés. C'est rare qu'on a besoin de cesser ces médicaments-là pour de l'intolérance. Par contre, il y a les deux effets secondaires que je vous ai parlé, l'insuffisance rénale, qui est à surveiller parce que ça peut faciliter l'insuffisance rénale, mais l'insuffisance rénale n'est pas une contre-indication à leur utilisation. On doit ajuster les doses, ajuster la durée d'administration intraveineuse de ces médicaments-là. Et l'autre effet secondaire, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire que je vous ai parlé, qui est en général proportionnelle à la durée ou à la période de temps où le patient est sous ces médicaments-là. En général, on essaie de limiter la durée d'administration de ces médicaments-là principalement pour cette complication d'ostéonécrose de la mâchoire, ce qui fait en sorte que les gens qui ont obtenu des réponses complètes au traitement du myélome multiple, souvent on se permet d'arrêter les biphosphonates pour réduire leur exposition. Ou encore quelqu'un qui, même s'il n'a pas une réponse complète suite au traitement de chimiothérapie, les gens qui obtiennent un plateau dans les réponses, c'est-à-dire une stabilité du myélome multiple et que le myélome multiple semble dormir, pour ces patients-là, parfois on peut cesser de façon prolongée, on peut cesser les biphosphonates pour justement prévenir cette complication-là. Mais globalement, c'est les deux principaux effets secondaires qui sont un peu plus agaçants avec l'utilisation de ces produits-là. L'âge de 65 ans est-elle encore une limite à l'administration de l'autogreffe? Donc, la réponse, c'est quel est le critère d'âge pour l'autogreffe? Quand on a parlé d'éligibilité à la greffe, les critères de la greffe au Québec, au Canada, ce sont les mêmes, c'est 65 ans et moins. Comme je vous mentionnais, ben, l'âge strict, on essaie d'être pas si religieux que ça sur l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des patients de 60, 63 ans qui peuvent ne pas être éligibles pour un mauvais état général, pour des patients qui ont fumé beaucoup, qui sont emphysémateux, qui ont d'autres comorbidités, ou des patients de 66, 67, 68 ans qui ont un très, très bon état général. Mais comme je vous mentionnais, la première chose pour les médecins avec les outils que l'on a pour traiter la maladie, la première chose, c'est de ne pas nuire. Et passé 65 ans, les risques de complications augmentent. Aux États-Unis, les gens se rendent jusqu'à 70 ans. C'est très discutable. Je suis moins personnellement d'accord avec cette conduite-là de greffer jusqu'à 70 ans. Il faut toujours peser le pour et le contre. Il y a même des questionnements actuellement en raison du fait qu'on a beaucoup d'options de traitements supplémentaires par rapport à ce que l'on avait il y a quelques années, qui fait en sorte qu'on se questionne même à savoir est-ce que la greffe a encore sa place dans le traitement du myélome multiple. Actuellement, la réponse, c'est oui, mais l'âge limite, oui, reste 65 ans, et s'il y a quelque chose avec l'arrivée de nouvelles molécules, on risque même de réduire cet âge-là pour ne pas nuire à des patients qui pourraient bénéficier d'avoir d'autres types de médicaments que la greffe. Y a-t-il une contre-indication à faire de l'exercice physique intensif, du sport comme la bicyclette, tennis, etc.? Y a-t-il des risques de fractures supplémentaires malgré l'administration d'Aridia? Donc, par rapport à l'os, l'os est un organe cible du myélome multiple. Le myélome multiple peut, ça ne favorise pas nécessairement la fragilité osseuse, mais ça favorise la fragilité osseuse chez la majorité des patients. Donc, tous les sports qui sont des sports de contact ou encore des sports, l'haltérophilie pour donner un extrême, mais des sports où on a besoin de mettre en charge beaucoup, beaucoup le tissu squelettique, c'est relativement contre-indiqué en myélome multiple. Donc, il n'y a pas de contre-indication absolue, mais on ne recommande pas aux patients des sports de contact comme le football, le soccer, le hockey, ces choses-là, à moins d'avoir, de ne pas avoir d'évidence d'atteinte osseuse sur les radiographies, par exemple. Même chez les gens qui ont des biphosphonates comme l'aridia ou le zometa, ça ne fait pas en sorte que l'os n'est pas fragile. Ça réduit les risques de fractures, ça réduit les risques de nécessité de radiothérapie ou de chirurgie orthopédique, mais ça ne fait pas en sorte que le patient est à l'abri de fractures ou de complications osseuses. Ce qui fait en sorte qu'en termes de sport d'activité, ce n'est absolument pas contre-indiqué. Les meilleurs sports, la marche est très bonne, la bicyclette est très bonne, la natation est excessivement bonne, mais les sports de contact où on met trop en tension le tissu squelettique sont relativement contre-indiqués. Puis c'est un peu la même chose pour étendre la question au massage ou aux techniques de quand quelqu'un d'autre, quelqu'un d'externe à vous manipule votre corps, quand vous bougez et que vous ressentez une douleur, vous allez arrêter le mouvement. Si quelqu'un d'autre fait de la mobilisation sur votre système squelettique et que vous ressentez la douleur, lui ne la ressent pas et il peut continuer le mouvement. Donc, c'est des choses à faire attention aussi, pas juste en termes de sport, mais en termes de manipulation pour certains thérapeutes, physiothérapeutes ou autres. Il faut faire attention dans le contexte de myélome multiple, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. La pratique du vélo de route est-elle un risque pour la colonne vertébrale? Ça rejoint beaucoup la question précédente. Donc, si c'est un risque, le vélo, non, ce n'est pas un sport qui met en tension la colonne vertébrale beaucoup, ou encore les côtes. Ou les. C'est un sport recommandable chez les gens qui ont un myélome multiple. Nous avons seulement maintenant un commentaire qui nous reste, un commentaire qui dit merci pour l'information, elle adore le principe, ce qui clôt la période des questions. Je voudrais vous rappeler à tous que cette conférence sera archivée sur une période d'une année, donc il faut seulement attendre quelques jours et vous pourrez la réécouter ou la partager avec d'autres personnes. Je tiens à remercier le docteur Richard Leblanc pour nous avoir offert cette belle conférence ce soir. On est très privilégié d'avoir pu le recevoir ici ce soir. Merci à vous. Donc, bonsoir et à la prochaine.